بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله aujourd'hui le mercredi 5 Rajab de l'année 1442 de l'Hégire correspondant au 17 février 2021. Nous nous retrouvons dans cette soirée avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude du livre de Ibn Jama'a Al-Kinani qui s'intitule Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallim fi Adab al-Alimi fi Adab al-Alimi wal Muta'allim. Ibn Jama'a, comme nous l'avons vu précédemment, qu'Allah lui fasse miséricorde, est décédé en l'an 733 de l'Hégire. Donc nous avons vu dans le cours précédent l'introduction avec laquelle il a entamé ce livre, avant de parler des points qu'il a voulu aborder en 5 chapitres. Et nous avons vu qu'on va se limiter aux 4 premiers chapitres de ce livre. Le premier chapitre l'a réservé au mérite de la science et le mérite des hommes de science, également pour montrer la noblesse de l'homme de science, celui qui se consacre à la science. Et le deuxième chapitre, il abordera dans le deuxième chapitre les règles de bienséance qui concernent l'homme de science en lui-même, avec ses étudiants et pendant ses cours. Et le troisième, les bienséances concernant le demandeur de science en lui-même, avec ses chouyours et ses collègues et dans son cours. Et le quatrième l'a réservé pour les règles de politesse qui concernent les outils de la science, notamment les livres. Comme je vous avais dit, le cinquième l'a réservé pour parler des écoles dans lesquelles vivent les étudiants et les adabs qui concernent ces lieux-là, pour ceux qui y résident. Donc aujourd'hui, on va commencer et j'espère finir le premier chapitre de ce livre dans lequel il a parlé du mérite de la science et des hommes de science et le mérite de propager la science et de la demander. Donc pour le savant, le mérite de propager la science et pour le demandeur, le mérite de la demande de science. Comme la méthode des savants, quand ils parlent d'un sujet, ils commencent par citer les dalils. Et dans leur énumération des dalils, le plus souvent, ils commencent par les versets du Coran. Et ensuite, ils citent les hadiths. Et en troisième lieu, ils citent les paroles de salaf. Donc, il a commencé, rahimahullah, avec les versets du Coran. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مائة عام. الله سبحانه وتعالى dit dans ce verset, dans le sens approximatif, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu la science. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a été rapporté de lui, qu'il a dit par rapport à ce verset, les savants seront au-dessus des croyants de 700 degrés. Et entre chaque degré et l'autre, il y a 100 ans, il y a 100 ans, un siècle, la distance à traverser. Donc par rapport à ce récit, rapporté de Ibn Abbas, sans aucun doute, l'élévation des savants au-dessus des croyants est citée d'une manière explicite, comme on l'a vu dans le verset précédent. Mais la quantité de cette élévation n'est pas rapportée dans quelque chose d'authentique, ni selon Abdullah ibn Abbas, ni autre. Et sans aucun doute, les savants sont des degrés plus élevés que les croyants, car ils sont les meilleurs des croyants. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Donc lui il s'est limité وأولو العلم الآية. Il se limite de chaque verset رحمه الله à la partie dont il a besoin, dans laquelle il y a un shahid du point abordé. Il y a un dalil par rapport au point abordé. Donc dans le sens de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah atteste ainsi que les anges et ceux ayant la science qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté lui. Ensuite il a dit, rahimahullah, par rapport à ce verset, il a dit, bada'a subhanahu bi nafsih. وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. Il a dit, rahimahullah, par rapport à ce verset, que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé dans cette attestation sur son unicité, il a commencé par lui-même, shahid Allah. Ensuite, il a cité l'attestation de ses anges. Et en troisième lieu, il a cité les hommes de science. Et cela suffit comme mérite et honneur pour montrer le rang élevé des hommes de science. Pour montrer le rang élevé des hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme témoins sur son unicité, sur la chose la plus noble et la plus méritoire, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pris les hommes de science, après les anges, comme témoins sur cela. Et ça, ça montre le rang extrêmement élevé des hommes de science. Sinon, les savants en général, ils disent que dans ce verset, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a accouplé et a allié l'attestation des hommes de science à la sienne et à celle des anges. Et ce verset, il montre le grand mérite des hommes de science et de la science également. L'imam Ibn al-Qayyim a parlé de ce verset et a montré le mérite des savants de 10 points de vue, tous tirés de ce verset qu'on vient de lire. Et celui qui veut le résumer, il peut le trouver dans Tafsir Ibn Sa'di, quand il a parlé de ce verset dans Surat Ali Imran, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Il a résumé ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit. Ensuite, le troisième verset qu'il a rapporté, Qawlullah ta'ala, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dans le sens approximatif, dit, ont-ils valeur égale ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Est-ce qu'ils ont une valeur égale, ceux qui savent, qui sont les hommes de science, et ceux qui ne savent pas? Bien évidemment que la réponse, ils n'ont pas une valeur égale. Les savants sont beaucoup plus élevés que ceux qui ne savent pas. Wa qala Allahu ta'ala, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah Azzawajal dit également dans ce verset, interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de les interroger et de revenir vers eux. Si on ne sait pas et si on n'a pas de science par rapport à un sujet ou un autre, de revenir vers eux. Les gens du rappel qui sont les hommes de science. Allah Azzawajal dit également, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Donc il n'a pas cité le début du verset, mais il nous est indispensable pour la traduction pour que ce soit plus clair. Le début du verset, Allah Azzawajal dit, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ce sont là les exemples que nous donnons aux hommes et que seuls ceux qui savent peuvent comprendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait leurs éloges ici dans ce verset en montrant que c'est eux qui comprennent les paraboles et les exemples qu'il nous donne subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit également بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, ce sont là des versets évidents dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science, dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science, les hommes de science. Ils connaissent le Coran dans leur poitrine. Et ils le connaissent par cœur. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla décrit le Coran en disant « Bal huwa ayatun bayyinat ». Ce sont des versets évidents dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science. Et le dernier verset qu'il a cité, rahimahullah, il a dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ». Parmi ses serviteurs, ce sont les savants qui craignent Allah. C'est-à-dire, ce sont les savants qui ont la crainte la plus parfaite et la plus complète. Ça ne veut pas dire que les autres croyants qui ne sont pas des savants ne craignent pas Allah. Car celui qui ne craint pas Allah du tout, c'est un mécréant. La crainte, il y a un minimum qui valide la foi du croyant. Et tout croyant, forcément, il craint Allah. Après, le degré de la crainte d'Allah varie. Et la crainte, c'est pas la peur. Al-khashya, laysat hiya al-khawf. La crainte, c'est une peur avec science. C'est pour ça que tu peux avoir peur d'une chose que tu connais pas. Mais tu ne peux craindre que celui que tu connais. C'est pour ça la crainte, son degré le plus élevé est son degré le plus complet, il est pour les hommes de science, ceux qui connaissent Allah le mieux et ceux qui le craignent le plus. Ça, c'est la signification de ce verset. Et Allah Azza wa Jalla dit également, donc là, il va citer d'autres versets, mais pas pour comme un dalil indépendant. Il va citer les versets de Sourate Al-Bayyina pour démontrer et faire une déduction. Et ça, c'est un point très très fort. Après le verset Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, il a dit le verset de Sourate Al-Bayyina Ulaika hum khayrul bariyah. إلى قوله ذلك لمن خشي ربه فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية فينتج أن العلماء هم خير البرية. الله أكبر. Une déduction très très forte. Qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde. Donc entre le premier verset, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, parmi ses serviteurs, Seuls les savants craignent Allah, la crainte parfaite. Avec l'autre verset dans Surat al-Bayyinah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toutes les créatures. Donc ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toutes les créatures. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins de Adn, sous lesquels coulent les rivières où ils séjournent à tout jamais. Allah sera satisfait d'eux. Et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui attend celui qui craint son Seigneur. Donc, Allah il nous dit que les hommes de science sont ceux qui craignent Allah le plus. Et il nous dit, dans les versets de Surat al-Bayyinah, que les meilleurs des créatures sont ceux qui craignent Allah. Donc, déduction, les savants sont les meilleurs des créatures. Elle est vraiment très très forte, cette déduction, entre les deux versets. Donc, on déduit des deux versets que ceux qui craignent Allah le plus, yani du verset où ceux qui craignent Allah le plus, ce sont les hommes de science, et que ceux qui craignent Allah sont les meilleurs des créatures, la déduction est que les savants sont les meilleurs des créatures. Allahu Akbar. Donc là, il va passer à citer quelques ahadiths. Il va en citer 5 dans un premier temps, qui sont tous authentiques. Donc on commence par les 5, dans le mérite de la science et des hommes de science. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc ce hadith très connu, rapporté dans les deux authentiques, selon Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agrée lui et son père, il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Donc le fiqh, ça c'est un point très très important à comprendre. Le fiqh, dans l'usage des salafs, c'est la science avec la mise en pratique. C'est ce qu'ils appellent le fiqh. Mais après, le fiqh, c'est devenu la jurisprudence, c'est-à-dire la science seulement. Dans la définition du fiqh, ils disent la connaissance des jugements détaillés avec leurs arguments tirés du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le faqih. C'est celui qui connaît les jugements des questions religieuses avec leurs dalils. Mais chez salaf, c'était pas ça le sens de le faqih. Le sens de le faqih, c'était celui qui a la science et qui la met en pratique. Donc, Nabi alayhi salatu wassalam, quand il dit celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne le fiqh dans la religion, c'est-à-dire il lui donne la science profitable et bénéfique et il lui donne la mise en pratique de cette science. Le deuxième hadith, il n'a cité qu'une partie du deuxième hadith. وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. Les hommes de science sont les héritiers des prophètes. Les hommes de science sont les héritiers des prophètes. Ça, c'est un hadith très connu qui a été rapporté selon Abi Darda, radiallahu anhu. Et c'est un hadith authentique. Les savants sont les héritiers des prophètes. Il a dit, rahimahullah, wa hasbuka bi hadhihi ad-darajati majdan wa fakhra wa bi hadhihi ar-rutbati sharafan wa dhikra. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. الله أكبر. Il a dit, et ça te suffit, ce rang élevé comme gloire et comme gloire et comme fierté, et ça te suffit également ce degré comme honneur et mérite, car il n'y a pas un rang au-dessus du rang du prophète. Également, il n'y a pas un mérite au-dessus du mérite de ses héritiers. Il n'y a pas un rang plus élevé que le rang des prophètes. Le rang est le rang le plus élevé de manière absolue de toute l'humanité. Et de la même manière, il n'y a pas un mérite et un honneur plus élevé que l'honneur de leurs héritiers. Qui sont les hommes de science? Regardez ces déductions, comment, ces fawaïd très précieuses qu'ils tirent des ahadiths. Et en résumé, il n'y a rien qui dépasse le mérite de la science pour celui qui est sincère dans sa demande et qui met en pratique ce qu'il apprend, comme cela a été rapporté de l'imam Ahmad. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Donc dans ce hadith qui a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام, et il y a une divergence entre les hommes de science par rapport à son authenticité, celui-là. Quand ils ont cité deux hommes auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dont l'un d'entre eux était un grand adorateur. Il faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration, mais il ne demandait pas la science. Et le deuxième était un homme de science. Le Nabi, alayhi salam, aurait dit, selon ce hadith, le mérite du savant par rapport à l'adorateur et comme mon mérite, c'est-à-dire le mérite du prophète alayhi salatu wassalam, par rapport au plus bas dans le mérite parmi les compagnons. Le mérite du prophète alayhi salatu wassalam comparé au compagnon qui a le moindre mérite. Ça, c'est l'écart entre le mérite qu'il y a entre le savant et l'adorateur. Donc c'est immense. وعنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc dans ce hadith qui est parmi les meilleurs, parmi les hadiths les plus forts qui ont été rapportés dans le mérite de la science. Parmi les plus forts des hadiths qui ont été rapportés dans le mérite de la science, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, ce hadith, bien évidemment, a été rapporté selon plusieurs versions. Donc lui, ici, il a cité cette version dans laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui emprunte une voie et un chemin dans lequel il demande la science, il lui sera facilité avec une voie vers le paradis. Et certes, les anges baissent leurs ailes pour le demandeur de science, tellement Allah est satisfait de son œuvre et de son acte qui est la demande de science. Et ensuite, le prophète alayhi salam a dit, le savant lui demande le pardon, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, y compris les poissons dans le fond de la mer. Allahu Akbar. Et ensuite, il a dit, et le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune, yani de la pleine lune, comparé aux autres planètes ou la comparer aux autres étoiles. Vous voyez la lune quand elle est dans la nuit de la pleine lune et elle forme un rond complet. Yani, vous voyez la lumière qu'elle donne pour la terre et qu'elle dégage et comment elle éclaire la terre. Alors, yani, comparé aux autres lumières venant des autres étoiles et des autres astres. Yani, c'est insignifiant comparé à la lumière de la lune dans une nuit de pleine lune. C'est le même rapport d'écart entre le mérite de l'homme de science comparé à l'adorateur. Et ensuite, le Nabi alayhi salam a dit, et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni des dinars, ni des dirhams, ni des pièces en or, ni des pièces en argent. Ça, c'est les monnaies de l'époque du prophète alayhi salam. Ils avaient deux catégories de pièces. Une pièce fabriquée en or qu'ils appelaient le dinar. Une pièce fabriquée en argent qu'ils appelaient le dirham. Et zakat est obligatoire à partir de 20 pièces d'or et de 200 pièces d'argent. Et ensuite, Nabi alayhi salam a dit, wa innama warathu al-ilm. Les savants n'ont pas laissé derrière eux un héritage en argent et en or, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend, il prendra une grande part dans l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Yani, celui qui aura pris la science et celui qui a emprunté la voie dans laquelle il cherche la science, alors celui-là, il aura pris sa part dans l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, Ibn Jama'a a dit, par rapport à ce hadith qui vient de passer, il a dit, وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا رُتْبَةَ فَوْقَ رُتْبَةِ مَنْ تَشْتَغِلُ الْمَلَائِكَةُ وَغَيْرُهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ أَجْنِحَتَهَا وَإِنَّهُ لَيُنَافَسُ فِي دُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ أَوْ مَنْ يُظَنُّ صَلَاحُهُ فَكَيْفَ بِدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. Donc, il a dit ici, il a dit, sache qu'il n'y a pas un rang plus élevé que le rang de celui que les anges lui demandent le pardon. Demande à Allah de lui pardonner. Et en faveur de qui ils font des invocations, c'est-à-dire le demandeur de science. Et les anges baissent leurs ailes pour lui, tellement ce qu'il fait satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a dit que les gens se concurrencent dans la demande d'invocation à un homme qu'il pense vertueux. Alors que dire de l'invocation des anges? Ça peut paraître yani une bonne déduction, et en réalité cette déduction elle est basée sur une divergence entre les savants par rapport à un autre point. c'est qui le meilleur, les anges ou les pieux parmi les fils de Adam? Qui sont les meilleurs, les anges ou les meilleurs parmi les hommes, les vertueux et les pieux parmi les hommes? Donc l'auteur, comme s'il voyait que les meilleurs sont les anges. Wallahu a'lam, si vous lisez les paroles de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, et ce qu'a rapporté Ibn Abi al-Izz dans l'Aqid al-Wasitiyya, il paraît que l'avis le plus fort, wallahu a'lam, c'est que les croyants vertueux sont meilleurs que les anges. Donc la catégorie de l'ange est meilleure que la catégorie de l'être humain. Ça, il n'y a pas de divergence. Mais des individus, au niveau des individus, l'homme pieux qu'Allah fait rentrer au paradis est meilleur que l'ange. Il y a d'autres savants, ils disent que l'ange est meilleur de manière absolue par rapport à la catégorie et par rapport aux individus. Par rapport à la catégorie, tout le monde est d'accord. L'ange est meilleur que l'homme. Mais il y a des hommes qui sont meilleurs que des anges, tels que le prophète alayhi salatu wassalam, également dans la vie le plus juste, wallahu alam, par lequel je suis convaincu personnellement, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est meilleur que tous les anges, y compris le meilleur des anges qui est Jibril alayhi salam. Donc cette question et cette déduction que l'auteur a fait ici, elle est basée sur cette divergence. Donc pour lui, yani le fait que les gens se concurrencent dans la demande d'invocation à un homme qu'ils pensent vertueux et pieux, on sait que la vie juste également par rapport à ce point, c'est que ton invocation pour toi-même est meilleure que l'invocation d'un homme pieux pour toi. Comprenez bien ce point. Ton invocation à toi, avec ta faiblesse, ton invocation pour toi est meilleure que l'invocation d'un homme pieux en ta faveur. Car, il y a plusieurs raisons que les savants citent, mais je vais vous en citer quelques-unes. Quand tu invoques Allah toi-même, déjà tu vas faire une adoration. Et tu vas t'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas l'implorer et l'invoquer, et insister dans cela, et ton cœur sera attaché à lui seul. Contrairement à celui qui demande à une personne, l'être humain est faible, et le cœur peut s'attacher à la créature, et lui attribuer une partie de cet exaucement. C'est pour ça que ton invocation pour toi-même est meilleure que l'invocation d'une autre personne en ta faveur. Mais après, ça n'empêche pas que les croyants se font des invocations les uns pour les autres. Mais tu ne dois pas être attaché à demander aux gens de faire des invocations pour toi. Car ça va donner lieu à une forme d'attache à la créature. Et c'est pour ça que ceux qui ont la foi, qui ont des niveaux très élevés dans la foi et qui ont atteint un niveau très élevé dans le tawakkul, ils ne demandent pas ruqya à une créature. Alors que c'est autorisé. Car, et ça tu peux le constater chez les gens qui sont éprouvés, ils peuvent tellement faiblir que, jusqu'à penser que la personne qui leur a fait ruqya, elle était pour quelque chose dans leur guérison. Et c'est difficile que le cœur ne s'attache pas à cette créature et lui attribuer ne serait-ce qu'une infime partie du bien qu'Allah lui a donné et que cette créature n'a rien fait dans ce bien. Ce bien est un pur don d'Allah subhanahu wa ta'ala. La créature, elle a fait les causes. C'est pour ça, c'est un niveau élevé dans le tawhid de ne pas demander. Et même par rapport à ce point, il y a des grandes divergences entre les savants. Est-ce que il est légiféré. Il y a des savants qui voient que c'est pas légiféré de demander de dua un homme pieux. Mais l'avis juste, c'est que c'est autorisé, car il y a des dalils sur cela. Mais est-ce qu'il est meilleur que de faire du'a pour toi-même? Wallahu a'lam, le meilleur c'est de faire du'a pour toi-même. Le meilleur c'est de faire ruqya pour toi-même. Sauf si tu arrives à un niveau où tu n'arrives plus à faire tes obligations. Dans ce cas-là, il ne faut pas attendre. Il faut chercher une personne pour t'aider. Par exemple, quelqu'un est touché, il n'arrive pas à se lever pour le fajr. Ou quand c'est l'heure de la prière, comme j'ai déjà vu des cas comme ça, la personne est attachée à son lit. C'est pas qu'elle dort. Elle est éveillée, mais elle n'arrive pas à se lever de son lit. Comme si elle était attachée au lit. Dans ce cas-là, il ne faut pas attendre, il faut demander de l'aide à une créature tout en pensant, tout en croyant que la créature n'est qu'une cause. N'est qu'une cause. Mais une personne tellement faible comme ça, elle n'arrive plus à faire les obligations, elle doit demander ruqya. Et certains parmi les hommes de science voient que dans ce cas-là, elle ne sort pas des 70 000. Dans ce cas-là, elle ne sort pas des 70 000. Quand est-ce qu'elle sort des 70 000? Quand elle demande ruqya, alors qu'elle est capable de la faire pour elle-même et qu'elle n'est pas encore arrivée à ce degré où elle n'arrive plus à faire les obligations. Taïb, quelqu'un il peut se poser la question, une personne a demandé ruqya par ignorance. Maintenant, elle connaît ce hadith et elle aimerait s'y attacher. Les hommes de science disent, bi'idnillah, elle fera partie des 70 000 si, à partir du moment où elle a su, elle s'attache à ce hadith. Taïb, encore un autre cas, une personne qui savait le hadith, mais elle est passée par une période où elle a faibli. Et après, elle s'est décidée à ne plus jamais le refaire. Bi'idnillah, on espère pour elle qu'elle fasse partie également des 70 000. Et la miséricorde d'Allah est immense. Et personne ne peut fermer les portes de la miséricorde d'Allah devant ses créatures. Tayyib. Ensuite, il a dit وقد اختلف في معنى وضع اجنحتها فقيل التواضع له وقيل النزول عنده والحضور معه وقيل التوقير والتعظيم له وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. Ensuite il a dit que les hommes de science ont divergé par rapport au sens de les anges baissent leurs ailes. Qu'est-ce qui est voulu par cette phrase? Est-ce que les anges... Il a cité les divergences. Il a cité le premier avis qu'il a cité. Il a dit, c'est ils baissent leurs ailes par modestie. Par modestie. À ce demandeur de science. C'est-à-dire les anges se font humbles et modestes devant le demandeur de science. Allahu Akbar. Et le deuxième avis qu'il a cité, c'est qu'ils vont descendre, ils baissent leurs ailes, c'est-à-dire ils vont descendre et assister avec ce demandeur de science. Ils vont l'accompagner, assister avec lui dans sa demande de science. Et ça, le premier sens, bien évidemment, c'est un sens correct et juste. Et le deuxième également, car il y a un autre hadith qui le confirme. Les anges entourent les gens qui sont dans des cercles de science et des vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, des cercles de rappel. Le troisième sens qui a été donné, c'est la considération et le respect. Ils baissent leurs ailes par considération et respect à ce demandeur de science. Ça également, c'est un sens juste. Et le quatrième et le dernier qu'il a cité, c'est qu'ils vont le porter sur leurs ailes et l'aider à réaliser ses missions. Et l'aider à réaliser ses missions et ses affaires. Et ce quatrième sens, lui manque des dalils. Lui manque des dalils. Mais sinon, les autres sens sont tous justes, excepté le dernier. Il n'y a pas de dalil sur ce sens-là, que les anges vont le porter réellement et vont le transporter d'un endroit à un autre en l'aidant à faire ce qu'il a à faire. وَأَمَّا إِلْهَامُ الْحَيَوَانَاتِ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ فَقِيلَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَمَنَافِعِهِمْ والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. Par contre, ce qui a été cité dans ce hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala inspire aux animaux, y compris les poissons dans le fond de la mer, il leur inspire de demander pardon aux demandeurs de science. Il a rapporté les paroles des savants qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré cela, car ces animaux ont été créés pour le bienfait des hommes et pour que les hommes en tirent profit de ces animaux. Et les savants, ce sont eux qui montrent aux gens ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas par rapport à ces animaux. Et également, c'est eux qui recommandent aux gens la bienfaisance envers les animaux. Et c'est eux également qui enjoignent aux gens de ne pas faire du mal à ces animaux. Ils ont dit, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré de leur demander pardon. Ensuite, il a cité un autre hadith, et tout ce qui va venir maintenant, comme hadith, leurs chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Ne sont pas authentiques, malgré que les sens de ces hadiths peuvent être justes. Mais on va les lire rapidement, bi'idhnillah. Donc le premier, يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ. Le jour du jugement dernier sera pesé l'encre des savants et le sang des martyrs. Certains ont dit que la signification, c'est que la chose la plus élevée qu'a un martyr, c'est son sang. Et la chose la plus basse qu'a un homme de science, c'est son encre. Ça veut dire qu'il a des degrés encore plus élevés que son encre. Par contre, le martyr, son degré le plus élevé, c'est son sang. C'est la chose la plus méritoire qu'il a. Car il l'a sacrifié dans le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah soit la plus haute, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ce hadith a été jugé faible par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Et dans un autre hadith, il est rapporté « Ma ubida Allahu bi shay'in afdala min fiqhin fi din » Jamais Allah n'a été adoré avec quelque chose de plus méritoire que la compréhension dans la religion. Et un seul faqih, « Wala faqihun wahid ashaddu ala shaytani min alfi abid » Et un seul faqih, un seul parmi les hommes de science, est plus difficile à tenter pour Shaitan que mille adorateurs. Avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et vous connaissez tous l'histoire de Al-Jilani, Abd al-Qadir Al-Jilani, cette histoire que rapporte Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah de cet homme, qu'une nuit, pendant qu'il était dans sa prière nocturne, à un moment, pendant la salat, il a vu que le toit de la maison s'est ouvert. Et une lumière, il a vu une lumière vers le ciel. Et quand il a levé son regard vers cette lumière, il a vu quelqu'un assis sur un trône. Il a vu quelqu'un assis sur un trône dans le ciel. Il lui a dit, il s'est adressé à lui, il lui a dit, « Abd al-Qadr, je suis ton Seigneur. » Je suis ton Seigneur. J'ai retiré pour toi la salat. Yani, c'est plus une obligation. la salat n'est plus une obligation pour lui. Il lui a dit, « Ikhsa adou Allah, malheur à toi, ennemi d'Allah, t'es shaitan. » Il a su que ça peut pas être un ordre de la part d'Allah. Car personne, yani, personne ne peut être indispensé de faire la salat. Nabi alayhi salatu salam, ça, chez les soufis, ils disent, quand atteint ce degré, ce qu'ils appellent le degré de l'haqiqa, la vérité. Ils disent, nous, on est dans le degré de la législation. On a encore, ça, c'est halal, ça, c'est haram. Eux, ils arrivent à un degré, qu'ils appellent le degré de la vérité. Il n'y a plus d'adoration dans ce degré-là. Car l'adoration, ça a été faite pour les gens comme nous, simples, qui ne sont pas arrivés encore au fond des choses et à la pulpe de la vérité. Et, alhamdoulilah, rassurez-vous, fait partie de ces hommes-là, les prophètes également. Car eux aussi, ils ne sont pas arrivés à ce degré, ils ont délaissé les adorations. Alhamdoulilah. Mais eux, ils estiment qu'ils arrivent à un degré qu'ils appellent haqiqa, où rien n'est plus obligatoire pour eux. Et rien n'est interdit pour eux non plus. C'est pour ça, vous entendez que les soufis, ils tombent dans la fornication, ils tombent dans l'adultère, et énormément de catastrophes, ils fument, ils boivent l'alcool. Et c'est connu, il y a une zawiya, c'est connu, malheureusement dans certains pays de l'islam, où ils font ces pratiques-là. Et je connais des personnes qui se sont rendues dans ces zawiyas avec les recommandations de certains égarés, et ils ont vu l'ajab. Ils ont vu des choses étonnantes. Ils ont vu que celui qui les dirigeait dans la salat, il fumait le shit, wal'iyadu billah. Et ils suivaient les femmes. Ils sont revenus, ils nous ont raconté ce qu'ils ont vu là-bas. Alhamdulillah, ça a été une cause pour qu'ils suivent la sunna et la salafiyya, alhamdulillah. Mais pour vous dire que eux, ils croient, quand ils arrivent à ce degré-là, rien n'est plus obligatoire et rien n'est plus interdit pour eux. Et c'est pour ça, cet homme, quand Iblis lui a dit cette chose, il lui a dit, je t'ai indispensé de la salat, il a dit, malheur à toi, t'es l'ennemi d'Allah. Car il a su avec la science qu'il avait, que c'est pas possible qu'il soit indispensé de la salat. C'est pas arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors comment ça va lui arriver à lui? Et subhanallah, s'il pensait comme ça, beaucoup de soufis seraient revenus. Cheikh Taqi Din Hilali, il est revenu avec un débat, yani un homme de science qui s'appelle Mohamed Al-Arabi, Al-Alawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est décédé. C'est lui qui a été la cause que Cheikh Taqi Din Hilali, ce grand imam, est revenu vers la sunna. Il a quitté la méthode Tijani. Un jour, il l'a invité chez lui et il lui a donné certains points. Parmi ces points, yani, il lui a dit, vous prétendez dans Tariqa Tijaniya que votre cheikh, le cheikh de Tariqa, a vu le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort. Est-ce que ça s'est arrivé aux compagnons? On sait que après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a une période où les sahaba ne savaient pas qui vont mettre comme responsable après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, pourquoi le Nabi alayhi salam n'est pas sorti à ce moment-là, comme il est sorti pour ton cheikh, et il leur a montré, voilà, dans ce point, voilà ce que vous devez suivre, ou voilà ce que vous devez faire. Non, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été rapporté. Et ainsi de suite. Il lui a cité certains arguments, il n'est pas revenu tout de suite, mais ça l'a travaillé. Et comme c'était un homme qui cherchait la vérité, il est revenu, alhamdoulilah, vers la sunna et vers la salafiyya. Ce hadith également est faible. Il a rapporté encore, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Il prendra cette science de chaque génération, les meilleurs parmi eux, qui vont réfuter les falsifications des transgresseurs et rejeter ce qu'attribuent les menteurs à cette religion et réfuter également les mauvaises interprétations des ignorants. يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء témoigneront le jour du jugement dernier les prophètes, les savants, ensuite les martyrs. Donc ça c'est pour montrer que le degré des savants est au-dessus de celui des martyrs. Il a été rapporté également العلماء يوم القيامة على منابر من نور, les savants le jour du jugement dernier seront sur des bancs de lumière. Et ensuite, il a commencé. Donc, comme peut-être que je l'ai dit au début, que les savants, ils peuvent rapporter certains hadiths qui sont faibles. Et ça, ce n'est pas considéré comme un défaut du moment qu'ils rapportent des hadiths authentiques sur lesquels ils se basent. Ils ne vont pas se baser sur ces hadiths qui sont faibles. Mais ils les rapportent en général parce que leur sens est juste. Mais ils ne se basent pas dessus non plus, mais de toute façon. Ils ne se basent pas dessus de toute façon. Ils se basent sur ce qui est authentique du livre d'Allah ou ce qui est authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a commencé par apporter certains récits de salaf, dans le mérite de la science et des hommes de science. Le premier, selon Ali, radiyallahu anhu, « Kafa bil ilmi sharafan, ayyadda'ihi man la yuhsinuh, wa yafraha idha nusiba ilayh, wa kafa bil jahli dhamman, ayyatabarra'a minhu man huwa fih. » Allahu Akbar, c'est une parole. Il dit, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Le quatrième des califs bien guidés, le cousin du prophète, alayhi salatu wa salam, et l'époux de sa fille, Fatima radiallahu anha, il dit, ça suffit pour montrer le mérite de la science de savoir que celui qui ne la maîtrise pas et qui ne l'a pas, celui qui n'a pas la science, il prétend l'avoir et il se réjouit quand on le décrit avec la science. Il se réjouit quand on le décrit avec la science alors qu'il n'est pas parmi les hommes de science. Et ça suffit pour montrer la bassesse de l'ignorance de savoir que celui qui est ignorant et se désavoue de son ignorance. Il nie qu'il est ignorant. Donc ça, c'est la nature humaine saine. Les hommes, ils sont tous d'accord pour dénigrer l'ignorance et louer la science. C'est pour ça, même la personne ignorante, elle n'aime pas qu'on la décrive avec l'ignorance. Et elle se réjouit quand tu lui dis qu'il a l'ilm, alors qu'il l'a pas. Il a rapporté une parole d'un autre salaf qui s'appelle Al-Hassan ibn Kanjak. Il a dit Khayrul mawahib al-aql wa sharrul masa'ib al-jahl. Il a dit les meilleurs des dons, c'est la raison. Et la pire des catastrophes, c'est l'ignorance. Qala Abu Muslim al-Khawlani Al-ulama'u fil ardi mithlu an-nujum. العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. Donc ensuite il a rapporté une parole de Abu Muslim al-Khawlani dans laquelle il dit العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء, les savants pour la terre sont comme les étoiles pour le ciel. quand ils apparaissent, yani les étoiles quand ils apparaissent dans le ciel, ça va donner la bonne direction et ça va orienter et guider les gens vers leur destination. Et quand ils n'apparaissent pas dans le ciel, les gens seront désemparés et seront dans une grande hésitation par rapport à la bonne direction, par rapport à la bonne direction. Donc ça, c'est une parole qui montre le mérite des savants, le mérite des hommes de science. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il a parlé de la comparaison qui a été donnée entre les savants et les étoiles, il a dit qu'il y a une comparaison, une analogie entre les deux de trois points de vue. Le premier, c'est que les étoiles représentent une décoration, une beauté pour le ciel. De même, les savants est une beauté pour la terre. Les étoiles permettent d'orienter les gens afin qu'ils ne perdent pas leur chemin, surtout dans le désert. De même, les savants guident les gens vers la vérité. Les étoiles permettent la lapidation des shayatines, de même que les savants sont une lapidation des gens du faux et de l'innovation. Donc ces trois points de vue dans la comparaison entre les savants et les étoiles ont été cités par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. قال أبو الأسود الدؤلي ليس شيء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. Il a dit rahimahullah, cette parole de Abu al-Aswad al-Du'ali, dans laquelle il dit, il n'y a pas une chose qui est plus honorable et plus méritoire que la science. Car les rois sont des juges et des dirigeants pour les gens. Et les savants sont des juges pour les rois. La signification de sa parole, les savants sont des juges pour les rois, c'est-à-dire, ce sont leurs références. Ils reviennent pour eux dans leur fatwa. Et ils demandent leurs avis et leurs conseils. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent leur imposer. Car le savant ne peut pas imposer au gouverneur ni au roi. Il ne peut que l'orienter, lui montrer, yani, la vérité. Wa qala Wahb yatasha'abu min al-'ilmi الشرف وإن كان صاحبه نريا والعز وإن كان مهينا والقرب وإن كان قصيا والغنى وإن كان فقيرا والمهابة وإن كان وضيعا. Donc il a dit que la science donne l'honneur même pour celui qui n'a pas un statut honorable, et la force et la puissance pour celui qui est faible et démuni, et rapproche celui qui est éloigné, et la richesse pour celui qui est pauvre, et le respect et la considération pour celui qui a un statut bas dans la société. وعن معاذ رضي الله عنه تعلم العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وبذله قربة وتعليمه من لا يعلمه صدقة. Donc selon Mu'adh رضي الله عنه, il a dit, apprenez la science, car sa demande est une bonne action. Et son apprentissage est une bonne action. Et sa demande est une adoration. Et sa révision est une glorification d'Allah. Et sa quête est un est un effort dans le sentier d'Allah, un jihad. Ici, jihad dans son sens le plus large, l'effort dans le sentier d'Allah. Et sa dispense est une proximité d'Allah. Et son enseignement à celui qui ne le sait pas est une aumône. Donc le résumé de ce qu'il dit Mu'ad radiallahu anhu, c'est que la science est une adoration du début jusqu'à la fin. Dans toutes ses étapes, c'est une adoration pour celui qui a une bonne intention, bien évidemment. Quand tu la demandes, quand tu te déplaces, quand tu voyages, quand tu t'assois et t'écoutes, quand tu consacres du temps, alors que les autres s'amusent et jouent, et toi tu concentres du temps à ton apprentissage, et quand tu la révises, quand tu mémorises, dans toutes les étapes, c'est une adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rapporté selon le Fudayl ibn Iyad, « Alimun muallim yud'a kabiran fi malakouti s-sama » Il a dit, un savant qui enseigne la science, il est appelé un grand dans le royaume du ciel. Il est appelé un grand dans le royaume du ciel. Donc un savant qui met en pratique sa science et qui la propage, celui-là est vu comme quelqu'un de très grand chez les gens du ciel, chez les anges. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Car le malakout, c'est tout ce qui est au-dessus, yani ça englobe les gens du ciel, et Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus des sept cieux, au-dessus de toutes ces créatures subhanahu wa ta'ala. وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. Il a dit, les gens qui auront les degrés les plus élevés auprès d'Allah sont ceux qui sont entre Allah et ses serviteurs, sont les prophètes et les savants. Il a dit également, لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل عمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم. سفيان بن عيينة رحمه الله dit également, jamais on a donné à quelqu'un dans ce bas monde quelque chose de plus méritoire que la prophétie. Et il n'y a pas quelque chose de meilleur après la prophétie que la science et la compréhension dans la religion. Ses élèves lui ont dit, de qui tu rapportes cela? Il a dit, de tous les savants, de tous les fuqaha. C'est-à-dire que cette science est rapportée d'un très grand nombre dans toutes les générations. Ça atteint le degré de ce qu'on appelle tawatur. Il n'y a plus besoin de chercher sa chaîne de transmission. Wa qala Sahl. Sahl, c'est Sahl ibn Abdillah Tustari. Parmi les savants qui étaient connus avec la science et la mise en pratique et l'adoration. Il est décédé en l'an 283 de l'Hégire. Il a dit, celui qui veut, man arada an-nazara ila majalis al-anbiya falyanzur ila majalis al-ulama fa'rifu lahum dhalik. Il a dit, celui qui veut voir les assises des prophètes, qu'il regarde les assises des savants. Observez-leur ce droit. Car leurs assises sont similaires aux assises des prophètes. Ce sont eux leurs héritiers. Comme il a dit d'autres salafs, ils ont dit, n'as-tu pas vu que l'homme, il vient et lui dit, voilà, il m'est arrivé ça et ça avec mon épouse. Il lui dit, elle est plus ton épouse, elle est divorcée. Et l'autre, il vient et lui dit, il m'est arrivé ça et ça avec mon épouse. Il lui dit, elle est toujours ton épouse. Et ça, c'est quelque chose pour les prophètes. et également pour leurs héritiers qui ont hérité leur science. L'imam Shafi'i rahimahullah dit: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. Si les savants qui mettent en pratique, regardez comment ils mettent l'accent sur la mise en pratique. Car la science sans la mise en pratique, c'est un argument contre toi. Donc il a dit, si les savants qui mettent en pratique leur science ne sont pas les alliés d'Allah, alors Allah n'a pas d'alliés. Si ceux-là ne sont pas les alliés d'Allah, c'est-à-dire c'est qui les alliés d'Allah alors? Et les savants sont les alliés d'Allah, yani l'alliance particulière qui implique son soutien et son aide et son assistance et de les faire triompher contre leurs ennemis. Mais par contre, l'alliance générale qui est pour tous les croyants, c'est comme dans la parole d'Allah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Ça, c'est l'alliance générale. Mais là, lui, il parle, l'imam Shafi'i, d'une alliance particulière, réservée à ses serviteurs très proches de lui. Rapporté selon Abdullah ibn Umar, il a dit: une assise de science est meilleure que 60 ans d'adoration. Ce récit n'est pas authentique. Il y en a dans sa chaîne de transmission. Et c'est rapporté de Sofiane Thawri et de Shafi'i rahimahullah. Tous les deux, ils ont dit: Laysa ba'da al-fara'idi afdalu min talab al-ilm. Il n'y a pas quelque chose de plus méritoire après les obligations que la demande de science. Et ça, c'est rapporté dans des hadiths. Fadl al-ilm khayrun min fadl al-ibada. Le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration. C'est-à-dire le surplus de la science est meilleur que le surplus de l'adoration. Donc après les choses qui sont obligatoires pour le serviteur, la meilleure chose, c'est la demande de science. La demande de science. Et dans la demande de science, comme vous savez, il y a une partie qui est obligatoire à tout musulman. Et une autre partie qui est recommandée. La partie obligatoire, c'est la science qu'il te faut pour adorer Allah et accomplir ses obligations. Tu dois prier, alors tu dois savoir comment on fait la salat. Et tu dois apprendre ce qui concerne la salat. Et ainsi de suite. Et il a cité un athar selon Zuhri, rahimahullah, ma ubidallahu bimithli al-fiqh. Jamais Allah n'a été adoré avec quelque chose meilleur que le fiqh. Et le fiqh ici, ça peut vouloir dire la demande de science, et ça peut vouloir dire faire les adorations conformément à la législation. Et les deux sont demandés. Et les deux sont demandés. Jamais on n'a adoré Allah avec une chose meilleure que la demande de science après les obligations comme on a vu précédemment. Et le deuxième sens, jamais on n'a adoré Allah comme l'adorer avec ce qu'il aime comme il aime. Et ça, c'est la législation. Il a rapporté un autre athar selon Abi Dharr et Abi Huraira radiallahu anhuma, ils ont dit: un chapitre de la science que j'apprends est meilleur pour moi que d'accomplir 1000 rak'a surrogatoire. Et un chapitre de la science que j'apprends, que j'enseigne, que les gens le mettent en pratique ou pas, du moment que moi je l'ai enseigné, est plus aimé à mon cœur que de faire 100 rak'a surrogatoire. Que de faire 100 rak'a surrogatoire. Voyez, Ani, il a placé la demande de science à un rang plus élevé que sa propagation et son enseignement. Et les deux doivent aller ensemble, de toute manière. Parmi la mise en pratique de la science, c'est de la propager. C'est de la propager, chacun selon ses connaissances et selon ses compétences, et de dire « je ne sais pas quand tu sais pas ». Et de ne pas parler dans tous les sujets de la religion, ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas. Quand tu sais pas, tu dis « je ne sais pas » et tu dois ressentir aucune gêne par rapport à cela. C'est tout à ton mérite de dire « je ne sais pas quand tu sais pas ». Et les savants, ils peuvent dire « je ne sais pas quand ils savent » pour éduquer leurs étudiants. Pour éduquer leurs étudiants à ne pas répondre à toute question. Car celui qui répond à toute question, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, est un fou. Est un fou car il y a des questions dont la réponse, c'est de ne pas donner une réponse pour éduquer la personne. Et pour lui montrer que pas toute chose qui te passe par la tête, tu dois la poser. Yani, ça démontre que la personne n'est pas focalisée sur ce qui la concerne dans sa religion. D'avoir des interrogations sur des choses qui ne te concernent pas du tout, ça c'est un signe que t'es pas, yani, focalisé sur ce qui te concerne, sur ta salat, sur ton jeûne, sur ton hajj, sur l'hijra, et ainsi de suite. Faut que chacun regarde ses adorations et aller faire en sorte que ces questions soient autour de ces adorations-là et éviter les choses futiles ou les choses dont t'as pas besoin dans les médias, yani les questions par curiosité, juste pour savoir, ça n'existait pas chez les salafs. Les salafs, ils posaient une question pour mettre en pratique une chose dont il a besoin tout de suite. C'est pour ça, certains savants, quand certains leur posaient des questions, ils lui disent, est-ce que la chose au sujet de laquelle tu m'interroges est arrivée? S'il dit non, il lui dit, vas-y, quand ça va arriver, tu trouveras quelqu'un pour te donner une réponse. Et ça, c'est par rapport aux questions des gens. Mais, la demande de science est différent. L'alim, il va donner à ses élèves beaucoup de choses, même s'ils n'ont pas besoin de ces choses-là tout de suite. Parce que là, ils sont dans une démarche d'apprentissage de la religion. Contrairement à quelqu'un qui pose une question par rapport à sa pratique. Et il a terminé cette partie en disant وَقَدْ ظَهَرَ بِمَا قُلْنَاهُ أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ أَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَتَسْبِيحٍ وَدُعَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Donc avec tout ce qui a été cité, il dit qu'il est devenu évident que se préoccuper avec la demande de science pour Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité, est meilleure que toutes les adorations surrogatoires du corps, telles que la salat et le jeûne et la glorification et la purification d'Allah et l'invocation et ainsi de suite. وَذَلِكَ, et là il va citer les raisons pour lesquelles la science est meilleur que les adorations surrogatoires. Il va citer six points qui font que la science est meilleure. وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْعَ الْعِلْمِ يَعُمُّ صَاحِبَهُ وَالنَّاسِ. Il a dit car la science, elle est profitable pour celui qui la demande et pour les gens également. Donc son profit est plus général pour lui et pour les gens. Alors que les adorations, c'est pour lui seul. وَلِأَنَّ الْعِلْمَ مُصَحِّحٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Également, car la science, elle permet de corriger les autres adorations. Et toutes les adorations ont besoin de la science afin pour qu'elles soient accomplies sincèrement pour Allah, conformément à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pour qu'elle soit acceptée, dans toutes les adorations, on a besoin de science. Et dans la science, on a besoin d'aucune autre adoration. وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ وليس ذلك للمتعبدين également car les savants sont les héritiers des prophètes et ce n'est pas valable pour les adorateurs. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه également car l'obéissance au savant est obligatoire dans sa science. Quand tu viens et tu poses une question à un savant, il te donne un avis, tu dois le suivre. Sauf s'il y a quelque chose qui fait que tu ne suis pas cet avis. Par exemple, tu as posé une question et après tu as appris que cet homme n'est pas de confiance. On ne peut pas lui faire confiance par rapport à l'ilm et le fatwa. Mais de manière générale, quand tu poses une question à un homme de science, tu dois te conformer à sa fatwa. Et s'il y a des efforts à faire, tu dois les faire avant de poser la question. Avant de poser la question. Tu cherches, c'est qui le plus grand savant, c'est qui le meilleur des savants, c'est. Et quand tu lui poses la question, tu vas mettre en pratique et tu vas pas chercher une autre fatwa. Parce que sa fatwa ne te convient pas. Ça s'appelle suivre le hawa. Suivre le penchant et la passion. Également, il a dit, وَلِأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ Et car la science, son effet, reste même après la mort de l'homme de science. Les adorations s'arrêtent avec la mort. L'ilm continue même après sa mort. وَلِأَنَّ فِي بَقَاءِ الْعِلْمِ إِحْيَاءَ الشَّرِيعَةِ وَحِفْظَ مَعَالِمِ الْمِلَّةِ Également, en propageant la science et en la demandant, ainsi on préserve la législation. On préserve la législation et on préserve la religion. Car avec la disparition de la science, apparaîtra l'ignorance. Et avec la disparition des hommes de science, apparaîtra les têtes ignorantes qui seront interrogées et qui vont répondre aux gens avec leur ignorance. Ils vont les égarer et s'égarer également. Quand j'ai dit les savants, leur obéissance est obligatoire dans la science, leur obéissance est obligatoire dans la science, et non pas dans toute chose, mais dans la science. Le gouverneur, tu dois lui obéir dans sa gouvernance, et le savant, dans la science. On doit obéir aux savants dans la science. Les dalils sur cela, tels que la parole d'Allah. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Allah nous a ordonné de leur demander. Il nous a ordonné de leur demander parce que leur obéissance est obligatoire. Sinon, pour quel intérêt leur demander si on ne leur obéit pas? Également, Allah Azza wa Jalla dit, أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et rentrent dans ceux qui détiennent le commandement, les hommes de science et les gouverneurs, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc les deux rentrent dans cette obéissance. Et vous constatez que l'ordre d'obéir à Allah est absolu. Il est absolu, on obéit à Allah de toute façon. Également, l'obéissance au messager, elle est absolue. Contrairement à l'obéissance du savant, elle est conditionnée par son obéissance à Allah et son messager. C'est pour ça qu'il a dit, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula » Il n'a pas dit « wa ati'u ulil amr » Il a dit « wa ulil amri » pour nous mentionner que leur obligation, que leur obéissance est conditionnée par leur obéissance à Allah. Quand Ibn Jama'a, rahimahullah, a terminé de rapporter tous ses récits, ses versets, ses hadiths, ses paroles de salaf, il a fait un fasl, yani un sous-chapitre, dans lequel il a voulu mentionner un point extrêmement important. Il a montré le mérite de la science et de sa demande, mais il a voulu montrer ce mérite qui a été rapporté des savants. C'est pour quelle catégorie de savants? pour répondre à cette question, il a fait ce sous-chapitre dans lequel il a dit وَعْلَمَ النَّجَمِعَ مَا ذُكِرَ مِنْ فَضِيلَةِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَا إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ. Sache que tout ce qui a été rapporté par rapport au mérite de la science et le mérite des hommes de science, il est réservé exclusivement aux savants qui mettent en pratique leur science. Les vertueux, les savants qui craignent Allah, ceux qui veulent avec la science le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction, et se rapprocher de lui et de gagner sa récompense et son paradis. Et non pas ceux qui demandent la science avec une mauvaise intention ou pour des raisons mondaines telles que le statut ou l'argent ou pour montrer qu'ils ont beaucoup de suiveurs. Car il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, من طلب العلم ليماري به ليماري به السفهاء او يكاثر به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار. Rapporté par l'imam Tirmidhi, ce hadith a été jugé hasan par l'imam Al-Albani dans Sahih Tirmidhi. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dit: celui qui demande la science pour débattre avec les stupides et disputer les sots ou pour montrer qu'il est parmi les hommes de science ou pour diriger les gens vers lui et les orienter vers lui, Allah le fera entrer en enfer. Dans un autre hadith, من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui demande une science avec laquelle il veut autre qu'Allah, ou il veut autre que le visage d'Allah, qu'il s'attende à sa place en enfer. Ce hadith a été jugé faible par l'imam Al-Albani. Et dans un autre hadith, man ta'allama ilman, dans le même sens que celui qui a précédé, faible, mais celui-là, il a été jugé authentique par Sheikh Al-Albani, dans lequel le prophète alayhi salam dit, man ta'allama ilman, mimma yubtara bihi wajhullah, لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه أبو داود. Celui qui demande une science avec laquelle on cherche la satisfaction d'Allah et le visage d'Allah, c'est-à-dire la science de la religion, il ne l'apprend que pour s'acquérir des biens de ce bas monde. Il ne trouvera pas l'odeur du paradis le jour du jugement dernier. Il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour du jugement dernier. Donc il y a dans ce hadith le châtiment et la menace pour celui qui demande la science de la religion pour les biens mondains, pour s'acquérir les biens mondains. Et il a rapporté un autre hadith qui est dans l'authentique de l'imam Muslim. Nabi alayhi salam a dit: Inna awwal an-nas yuqda alayhi yawm al-qiyamah wa dhakara ath-thalatha wa fihi wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafa qala fa ma 'amilta fiha qala ta'allamtu fika al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta lakin ta'allamta liqala 'alim وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. أخرجه مسلم والنسائي. Donc selon Abu Huraira, le prophète عليه الصلاة والسلام a cité les trois catégories de gens avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala alimentera le feu de l'enfer en premier, avant les païens, avant les idolâtres. Et il a cité trois catégories d'hommes. Un martyr, un homme qui a combattu dans le sentier d'Allah, mais par bravoure et pour montrer son courage. Et un homme qui dépensait ses biens, il faisait des aumônes, il dépensait ses biens dans les voies du bien pour qu'on dise de lui généreux. Mais celui qui nous concerne ici, sur lequel s'est limité Ibn Jama'a, c'est le troisième. Un homme qui a appris la science et qui l'a enseigné et qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Allah le fera venir le jour du jugement dernier. Il lui rappellera ses bienfaits sur lui. Qui lui a donné la science, qui lui a donné le Coran. Il lui dira, qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits que je t'ai accordés? Il dira, oh Allah, j'ai appris la science pour toi. Et je l'ai propagé pour toi. Et j'ai appris le Coran pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, t'as menti, kadhabta. Mais t'as appris la science pour qu'on dise de toi, t'es un savant. Et t'as appris le Coran pour qu'on dise de toi, t'es un récitateur. Alors ça a été dit. C'est-à-dire, t'as eu ce que t'as voulu dans le dunya. Allah, il est juste. Il lui donne ce qu'il a voulu dans le dunya. Comme ça, il n'aura rien dans l'akhira. Et ensuite, Allah ordonnera qu'on le tire sur son visage. Wal'iyadhu billah. Qu'on le tire sur son visage et qu'on le jette dans le feu de l'enfer. Il a voulu autre que le visage d'Allah. Il sera traîné et tiré sur son visage pour l'humilier davantage. Qu'Allah nous en préserve. Et il a rapporté une parole de Hammad ibn Salama. Rahimahullah. Il a dit, Man talaba al-haditha li ghayri Allah ta'ala mukira bih. Celui qui demande la science pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera pris avec une ruse. C'est-à-dire, il sera pris de là où il s'attendait pas. Il sera pris de là où il s'attendait pas. Et ça, c'est comme il a rusé, il a demandé la science pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour dunya, sa ruse sera rencontrée avec une ruse de la part d'Allah qui convient à sa grandeur et sa majesté. Et il sera pris de là où il s'attend pas. Et le dernier athar qu'il a rapporté selon Bishr ibn al-Harith, très connu avec son surnom Bishr al-Hafi. Il disait il marchait pieds nus. Et c'était un homme qui avait atteint un degré très élevé dans la piété et dans la sincérité, comme ils disent dans sa biographie. Il a dit qu'Allah a révélé à son prophète Daoud, alayhi salam. Il lui a dit, ne place pas entre moi et toi un savant tenté qui te repoussera et t'éloignera de mon amour. Ceux-là sont ceux qui coupent la route à mes serviteurs. Donc ce savant, c'est quelqu'un qui a la science. Mais il est maftoun. Il est maftoun par l'orgueil, par son orgueil, par son statut, par son intelligence, par sa mémorisation, par le grand nombre de ses suiveurs. Et cet homme-là, il ne va pas te rapprocher d'Allah. Si lui, il est coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est éloigné d'Allah, avec la fitna qui a rempli son cœur, parmi les différentes maladies, les maladies de la passion et les maladies des ambiguïtés, amrad shahawat ou amrad shubuhat, son cœur est tellement rempli de ces maladies qu'il ne va jamais te rapprocher d'Allah alors que lui il est éloigné d'Allah. Et ceux-là sont ceux qui coupent la route à mes serviteurs. Wallah al-musta'an. Comme les voleurs qui interceptent les caravanes commerciales où les gens en voyage de manière générale, ils prennent leurs biens. Ceux-là qui s'apparentent à la science, mais qui sont en réalité des gens dont les cœurs sont remplis de tentations et de discorde. Ceux-là également, ils vont voler aux gens leur religion. Ils vont pas voler leurs biens. C'est pour cela que ces gens-là, ils sont pires que les voleurs. Les voleurs, ils volent les biens de ce bas monde. Ceux-là, ils te volent ta religion. Alors, sois attaché à ne prendre ta science que des savants salafiyyin, les savants qui suivent le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi wassalam, dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils recommandent à la Ummah. Dans les périodes de troubles, ils recommandent de s'éloigner de toute cause qui alimente les fitnes. Ils recommandent aux salafiyyin, entre lesquels il y a eu des divisions, de s'unir et que chacun rectifie ses erreurs et de revenir ensemble. Contrairement à ceux qui recommandent la division. Wal'iyadhu billah. Donc voilà par rapport à ce qui a été cité dans ce chapitre. Dans le cours prochain, bi'idhnillah, nous allons étudier le deuxième chapitre dans lequel il parlera des règles de bienséance qui concernent le savant en lui-même avec ses étudiants et pendant son cours. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.